peut se mettre à tête et se mettre en quête. Mais interdiction de verre, la fête, tout ce sera sur la salette. Pas de, non, non, non, non, non, pas de problème. Le vent, la France, vous faites pour péter le système. Si tu te résous, allez, fire, burn them. Pas de tristesse, il faut se coller en mode de toi-même. Pas de tata, pas de tata, de ta mère. La grande question, c'est faire du mal au bien. Pas de tata pour moi, non, non, pas de ta mère. C'est un vieux cow-boy qui marche vers l'ouest. Tiens, de jeunes fumeurs de bêtes, je vais les tester. Mais notre commissariat et le shérif qui empeste. Le vieil alcool des flics partis en veste. Des jeunes volés à la ruée vers l'or. L'or noir, l'or blanc sous la domination de l'homme. Des gueules d'éclair bleurs que du beurre mort. Tabassé dans le saloon bourré de beurre. Sous le soleil éblouissant, sous gestes de hommes. L'état et le trafic de drogue. Toute la ville cachée derrière leur téléphone. Y'a juste le chien et l'os qui le rogne. Des regards busqués, des tirs super bien visés. Encore une bavure policière qu'on va fêter. Un immense feu de joie bien attisé. Dans lequel on fera cuire une pelletée de poulet. Pas de tata pour moi, non, non, pas de ta mère. Pas de tata pour moi, non, non, pas de ta mère. Avant la traversée du désert, un compte à rendre comme un plat froid sans dessert. Et gringo sous mesca, bien sûr trop cher. J'ai sorti ma honte pour une poignée de dollars et une poignée de main. Président content de se voir, de m'en foutre plein. Et le desperado de quoi il se plaint. Coup dans la ceinture et passage à tabac pour un pauvre mexicain qui parfume ce mot-là. Déjà la route tourne dans une cellule toujours solitaire devant le bandit qui insulte ta mère. Pour un bout de cam ou un bout de cave, on passe les cailloux à coup de vin de table. Qu'espérais-tu avec ton regard supérieur, en fait rempli de médiocrité? Tu allais donner le mal à ta femme et tes sœurs, à cause dont les poches sont pleines remplies de citoyennes. Pas de tata pour moi, non, non, pas de ta mère. Pas de tata pour moi, non, non, pas de ta mère. Pas de tata pour moi, non, non, pas de ta mère. Voilà, c'est quoi ça fait lumière de ce que j'ai fait, Léna. Pas de tata pour moi, non, non, pas de ta mère. Pas de tata pour moi, non, non, pas de ta mère. Sorti avec mon attestation de fumeur, plus heureux qu'un clown dans ses meilleures heures. En passant toute la putain de galère, je sens, on se bouge, je le sens, with myself and silver, non. Pas de tata, pas de tata, de ta mien, la drogue qui s'en fait faire du mal au mien. Pas de tata, de tata, de ta mien, l'homme en vérité, la grande joie de faire du bien, non. Pas de tata pour moi, non, non, pas de ta mien. Pas de tata pour moi, non, non, pas de ta mien. Pas de tata pour moi, non, non, pas de ta mien. Pas de tata pour moi, non, non, pas de ta mien. Sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, sur la piste, s